Bonjour et bienvenue dans cet audio pour débuter votre journée. Installez-vous le plus confortablement possible. Idéalement, je vous invite à écouter cet enregistrement dès le réveil. Vous pouvez tout à fait être dans votre lit, à peine les yeux ouverts. L'important est de programmer votre cerveau et d'envoyer les bonnes énergies dès votre lever. Hier est passé, demain n'est pas arrivé. La vie et votre capacité de créer, c'est ici et maintenant. Maintenant que vous êtes bien installé, détendez-vous. Respirez sans forcer, naturellement, par le nez. Prenez conscience de votre corps. Émerveillez-vous de toute cette magie effectuée par votre corps durant la nuit pour qu'il se maintienne en vie. Ce matin, vous êtes là, dans ce véhicule, et c'est un miracle de la vie. Sentez-vous digne et heureux d'être ici et maintenant. Vous avez fait un long voyage pour vivre cet instant et être dans le présent, en paix. Continuez à ressentir votre corps. Ressentez votre cœur qui bat. Le sang qui circule dans vos veines. Votre chaleur intérieure. L'énergie de votre conscience qui se propage. Les muscles qui se décontractent. Restez attentif à ce qui se passe en vous. Admirez votre respiration. Laissez ce souffle de vie vous détendre encore plus profondément tout en vous ressourçant. C'est dès le matin que vous créez votre journée. Vous pouvez dès le matin attirer des événements nouveaux ou préférer de vivre dans vos anciens schémas de pensée. À chaque réveil, vous pouvez décider de vivre votre vie consciemment ou inconsciemment, d'être heureux ou non. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, pour bien démarrer la journée, c'est de remercier. Dans notre société, nous prenons beaucoup de choses comme acquises. Malheureusement, tout le monde ne jouit pas du même luxe. Prenez conscience de toutes ces choses que vous pouvez remercier. Bénir ce que l'on a déjà accélère le processus d'abondance, car nous développons un sentiment de gratitude et non de manque. De ce fait, l'univers réceptionne les émanations que l'on envoie et les transpose dans notre réalité future. Si chaque jour, en vous levant, vous vous dites « il me manque ça et ça », vous attirez encore plus de manque. Je pense que cette vérité, vous l'avez déjà constatée. C'est pourquoi il est temps d'inverser la tendance. Et cela, dès le réveil, c'est important. Commençons. Vous avez dormi dans un lit bien douillé qui a gardé votre corps au chaud toute la nuit. Maintenant, vous remerciez d'avoir ce lit. Vous avez de quoi prendre un petit déjeuner, un café, un thé. Remerciez de pouvoir faire cela. Vous allez pouvoir prendre une douche et avoir de l'eau chaude ou froide simplement en tournant des robinets. Allez-y, remerciez ce luxe. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Vous avez du chauffage, des habits pour vous vêtir. Continuez à remercier. Si l'on change sa façon de penser, il y a infiniment de choses à remercier. Continuons. Vous pouvez marcher, vous déplacer, ou avez un moyen de locomotion pour vous rendre où vous le souhaitez. Prenez un temps pour remercier cela. Vous avez une famille, des amis, ou fait de belles rencontres. Voilà encore des choses à remercier. Ces sentiments de gratitude, vous pouvez les maintenir tout au long de votre journée. Cela changera vos vibrations et l'univers s'y accordera. Alors, pour aujourd'hui, orientez votre journée sur la gratitude. Laissez aller votre imagination et ressenti. Le second conseil pour cette journée, c'est de vivre en présence. Faites ce que vous faites en présence. Faites-le avec joie et amour. En apparence, votre travail ou votre situation pourrait ne pas vous plaire. De ce fait, vous fuyez de l'instant présent et laissez votre esprit vagabonder dans le passé, le futur ou tout autre endroit créé par le mental. Or, fuir à l'instant présent ne permet pas de développer une sérénité à laquelle notre esprit est voué. Ne reniez pas votre vie. Au contraire, remerciez votre vie, car elle est une création de votre esprit. Si vous reniez votre vie, vous reniez votre esprit. Si vous reniez votre esprit, la connexion divine et le véritable bien-être ne peuvent être atteints. Alors, aujourd'hui, installez votre présence dans tout ce que vous faites. Le troisième et dernier conseil que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser l'énergie de la confiance, de la patience et de la persévérance. Aujourd'hui, plus qu'un autre jour, ayez confiance en vos possibilités. Développez les qualités de la patience et de la persévérance. Souvent, nous aimerions que les choses aillent plus vite. On peut se sentir insatisfait d'une situation. Pourtant, chaque événement recèle un trésor, un apprentissage, une expérience. Il est important de ne pas vouloir sauter des étapes. Chaque étape de notre vie est nécessaire pour se construire et pouvoir accéder à des plans spirituels plus élevés. Sachez que si une expérience ou une difficulté vous est présentée, c'est que vous pouvez la surmonter. Vous êtes guidé et protégé. Aujourd'hui, acceptez de vous ouvrir aux connexions invisibles et aux signes que vous envoie la vie. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Ouvrez doucement les yeux et plongez-vous dans votre vie. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai confiance en vous, vous allez y arriver. Je vous envoie tout mon amour et vous dis à bientôt.